L'Évangile de Marc. Chapitre 1er. Ici commence la bonne nouvelle qui parle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Dans le livre du prophète Ésaïe, il est écrit: Voici, dit Dieu, j'envoie mon messager devant toi pour t'ouvrir le chemin. C'est la voix d'un homme qui crie dans le désert: Préparez le chemin du Seigneur, faites-lui des sentiers bien droits. Ainsi Jean parut dans le désert. Il baptisait et lançait cet appel: Changez de vie, faites-vous baptiser et Dieu pardonnera vos péchés. Et tous les habitants de la région de Judée et de la ville de Jérusalem venaient à lui. Ils confessaient publiquement leurs péchés et Jean les baptisait dans la rivière du Jourdain. Jean portait un vêtement fait de poils de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Il déclarait à la foule: Celui qui va venir après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas même assez bon pour me baisser et délier la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, mais lui, il vous baptisera avec le Saint-Esprit. Alors Jésus vint de Nazareth, village de la région de Galilée, et Jean le baptisa dans le Jourdain. Au moment où Jésus sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et il entendit une voix venant des cieux: Tu es mon Fils bien-aimé, je mets en toi toute ma joie. Tout de suite après, l'Esprit le fit aller dans le désert. Il resta pendant 40 jours dans le désert, où il fut tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Jean fut mis en prison. Alors Jésus alla en Galilée et proclama la bonne nouvelle venant de Dieu. Il disait: Le moment fixé est arrivé, car le royaume de Dieu s'est approché. Changez de vie et acceptez la bonne nouvelle. Comme Jésus marchait le long du lac de Galilée, il vit deux pêcheurs, Simon et son frère André. Ils pêchaient en jetant un filet dans le lac. Jésus leur dit: Venez avec moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils abandonnèrent leur filet et l'accompagnèrent. Il s'avança un peu plus loin et vit Jacques et son frère Jean, les fils de Zébédée. Ils étaient dans leur barque et réparaient leur filet. Aussitôt, Jésus les appela. Ils laissèrent leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers et allèrent avec Jésus. Jésus et ses disciples se rendirent à la ville de Capernaum. Au jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. Les gens qui l'entendaient étaient très étonnés de sa manière d'enseigner, car il n'était pas comme les maîtres de la loi, mais il les enseignait avec autorité. Juste à ce moment, un homme qui avait en lui un esprit mauvais apparut dans la synagogue. Il cria: Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous détruire? Je sais bien qui tu es, le Saint envoyé de Dieu. Jésus parla sévèrement à l'esprit et lui donna cet ordre: Tais-toi et sors de cet homme. L'esprit mauvais secoua rudement l'homme et sortit de lui en poussant un grand cri. Les gens furent tous si étonnés qu'ils se demandèrent les uns aux autres: Qu'est-ce que cela? Un nouvel enseignement donné avec autorité. Cet homme commande même aux esprits mauvais, et ils lui obéissent. Et l'on entendit rapidement parler de Jésus dans toute la région de la Galilée. Ils quittèrent la synagogue et allèrent aussitôt à la maison de Simon et d'André, en compagnie de Jacques et Jean. La belle-mère de Simon était au lit, parce qu'elle avait de la fièvre. Dès que Jésus arriva, on lui parla d'elle. Il s'approcha d'elle, lui prit la main et la fit se lever. La fièvre la quitta et elle se mit à les servir. Quand le soir fut venu, après que le soleil se fut couché, les gens transportèrent vers Jésus tous les malades et ceux qui avaient des esprits mauvais. Toute la population de la ville était rassemblée devant la porte de la maison. Jésus guérit beaucoup de gens qui souffraient de diverses maladies, et il chassa aussi beaucoup d'esprits mauvais. Il ne laissait pas parler les esprits mauvais, parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Très tôt le lendemain, alors qu'il faisait encore nuit noire, Jésus se leva et sortit de la maison. Il s'en alla hors de la ville, vers un endroit isolé. Là, il se mit à prier. Simon et ses compagnons partirent à sa recherche. Quand ils le trouvèrent, ils lui dirent, « Tout le monde te cherche. » Mais Jésus leur dit, « Allons ailleurs, vers les villages voisins. Je dois prêcher là-bas aussi, car c'est pour cela que je suis venu. » Et ainsi il alla dans toute la Galilée. Il prêchait dans les synagogues de la région, et il chassait les esprits mauvais. Un lépreux vient à Jésus, tombe à genoux devant lui et lui demande son aide, en disant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus fut rempli de pitié pour lui. Il étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre quitta cet homme, et il fut pur. Puis Jésus lui parla durement et le renvoya aussitôt. « Écoute bien, lui dit-il, ne parle de cela à personne, mais va montrer au prêtre comment tu es. Puis, offre le sacrifice que Moïse a ordonné pour prouver à tous que tu es guéri. » Mais cet homme partit et se mit à raconter partout ce qui lui était arrivé. À cause de cela, Jésus ne pouvait plus se montrer dans une ville, mais il restait en dehors, dans des endroits isolés. Et l'on venait à lui de partout.